danse. Entre dans la danse. Oh, on nous saoule violence. Oh, oh, d'inflation de relance. Les coups au cœur ne font plus peur. Mais la peur du loup nous rend tous fous. Descends bas du ciel.